Un rassemblement au niveau central consacré au 80e anniversaire de la publication du mensuel 1er mars, presse révolutionnaire, par le président Kim Il-sung, a eu lieu le 30 novembre au palais central de la jeunesse à Pyongyang. Y ont pris part Kim Gi-nam, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, des cadres, des journalistes, des rédacteurs et des hommes de presse, des domaines de la presse écrite et parlée et de l'imprimerie. Kim Gi-nam a dit dans son rapport que la publication du mensuel 1er mars par le président Kim Il-sung au cours de la lutte révolutionnaire anti-japonaise le 1er décembre 1936 était un événement d'une portée remarquable dans l'histoire de la presse écrite et parlée de notre parti et l'histoire de la lutte révolutionnaire de notre peuple. Il a ajouté que le général Kim Jong-il a développé brillamment la noble tradition de la presse de notre parti accomplie par le président. Il a souligné que le maréchal Kim Jong-un est le génie de la presse du Tse et le dirigeant sans égal qui a éclairé la voie pour développer les affaires de la presse de notre parti de la nouvelle époque en se tenant les idées et desseins des grands leaders. Il appelait tous à s'unir étroitement autour du maréchal Kim Jong-un pour faire briller de génération en génération la tradition originale de la presse écrite et parlée et travailler vigoureusement pour l'édification d'une puissance socialiste et le parachèvement de la cause révolutionnaire du Tse en livrant une campagne d'offensive des idées révolutionnaires.